La musique des Caraïbes. Reggae. À voyager jusqu'aux platines de votre disque jockey. Reggae. En piste pour les décibels soleil. Reggae, reggae, musique.